Welcome, Beatmaker & Co. Garde le juice, ma naine, c'est Sky qui se ramène. Façon fun qui blues, si je suis cool, c'est que c'est la prod qui me calme. Mais tu sais, c'est que le début, mais comme d'hab, je pars sans thème. Des mots par centaines me viennent à l'idée. Des phases de dingue, métaphore et tout petit, loin de la médiocrité, là l'idée. Et si j'écris une idée, c'est que ça me pousse au derche. Mais ça t'a pigé, bien loin de ces pigeons qui chantent la mort. Pour une histoire de com', comme à la con, comme à l'époque. J'me cale intemporel, y'a un temps pour tout. Mais sur un style pareil, même le temps t'écoute. Puis reprends sa route, mais dynamique, j'en ai fait ma force. Dynamite fait des corses de blues un peu ravagés. Comme les brothers, bouge la tête, papy, et bat en cœur. La peur, je suis là pour faire mon boulot mal. Et non jouer le bioman. La pas du gain, triste réaction. Baisse leur froc dès que tu jettes 3 bioman. J'ai power sans les rangers. Des skieurs, du moderne, un peu genre rustique. À frotter, frotter mon pote la route. C'est typique du discours qui rit. Appuie sur pause man. Arrête tout ces trucs louches. Tu sais ce qu'on dit des grands. Bouge et bouge ton boule poussi. J't'oublie pas ce poussi, mais stop si. T'es dévêtu, genre pour la vertu, yop, en place une pour ma moitié, ma douce vaillée. Bref, trêve de foufou, là j'suis dans le kiff. Ton avis, j'm'en fous, même si à la base j'fais ça pour vous. Espérant qui sait arracher un sourire à l'un de ses mots. Puis j'irai chanter le mambo avec Poto et les Rose sur un air de paix avec les Sista et les Rose, les Rampas et les Pros. Hip hop, ouais, c'est ma force fraîche qu'à la prod Sky. OMICGRO, musclé à la basse, topé au clap, très peu classieux à la basse. Fallait bien que je me rattrape.